personne m'aime. J'ai pas d'amis, je suis tout seul, seul dans la nuit. Je ne fais rien de mes journées devant la télé, et j'agonise comme une loque dans le canapé. Ma vie est nulle et tout pourri. Je sais même pas si c'est une vie. Mon chien est con, ma femme est moche, et en plus elle m'a épousé que parce que j'avais hérité de beaucoup d'argent après le décès de Tante Monique. Car je suis Jacques le fataliste, à la fois veuve et orphelin. Personne ne me fait jamais de câlin. Même quand je rigole, je suis triste. Je suis tout en bas de la liste. Je suis tout au bout de la table. Je suis loin d'être indispensable. Car je suis Jacques le fataliste. Je me réveille tous les matins. Je suis tout seul, je ne fais rien. Je répète la même chose que le premier couplet. Parce que depuis j'ai pas d'idée et rien ne me plaît. Je fais la gueule, des fois je pleure. On ne me parle pas, je crois que je fais peur. Personne ne me sourit jamais. Oh vas-y laisse tomber, fais un couplet tout moisi là, allez, refrain. Car je suis Jacques le fataliste, à la fois veuve et orphelin. Personne ne me fait jamais câlin. Même quand je rigole, je suis triste. Je suis tout en bas de la liste. Je suis tout au bout de la table. Je suis loin d'être indispensable. Car je suis Jacques le fataliste. Eh ben pas fâché d'avoir fini avec cette connerie là. Tu peux couper l'effet dans ma voix s'il te plaît, Robert? Où? Hein, mais non, mais on fait votre troisième couplet. Mais ça sert à rien, Robert. Les gens ont coupé bien avant. Tu es jeune, tu es naïf, Robert. Eh ben, il reste du temps, il reste du temps. Et il est pas là, le mec, avec son piano de tout à l'heure? Eh ben voilà, tu mets un coup de ça, le refrain. Merci, madame. Je suis Jacques le fataliste, à la fois veuve et orphelin. Personne ne me fait jamais câlin. Même quand je rigole, je suis triste. Je suis tout en bas de la liste. Je suis tout au bout de la table. Je suis loin d'être indispensable. Car je suis Jacques le fataliste. Car je suis Jacques le fataliste. À la fois veuve et orphelin. Personne ne me fait jamais câlin. Même quand je rigole, je suis triste. Je suis tout en bas de la liste. Je suis tout au bout de la table. Je suis loin d'être indispensable. Car je suis Jacques le fataliste.